assis-toi loin de moi, tout près d'ici. Assis-toi non loin de moi, tout près d'ici. Tu es prêt pour sentir ton souffle sur mes traits. Sens-tu rien? Sens-tu rien? Assis-toi et moi étions un peu plus près. Assis-toi et moi étions un peu plus près. Plus près pour trouver dans ce qui reste quelques attraits. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Car si toi mon amour de tous les jours, je suis prêt à ne plus me lasser, me distraire. Penser à rien. C'est à rien. Pensez à rien. Pensez à rien.